Vous allez bien? Muko sawa. Est-ce que ça va? Je mambo ni sawa. Vous êtes là ce soir? Uko hapa jioni ya leo. La joie est là? Furaha iko. On peut bien acclamer le roi des rois et le Seigneur. Naweza kumshangilia vizuri Bwana wa mabwana na mfalme wa mfalme. Il est le roi des rois. Le Bwana wa mabwana. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu que nous aimons et qui nous a tant aimés. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Tunampenda sababu alitupenda wa kwanza. Il soumet toutes choses. Anatiisha kila kitu. Les profondeurs de la terre et de la mer. Vilindi vya dunia na bahari. Sont soumis à lui. Vinatiishwa mbele zake. Alors hier nous étions en train de parler. Jana tulikuwa tukizungumzia. Du troisième sens. Juu ya maana ya tatu. De ta maison. Ya nyumba yako. Et nous avons vu natuliona que ta maison c'est une manière d'être et de faire. Ya kwamba nyumba yako ni namna ya kuwa na ya kutenda. Une manière d'être et de faire. Namna ya kuwa na kutenda. Et nous avons vu natuliona que quand vous ôtez la manière d'être et de faire de Dieu, on pourrait dire ya kimungu dans l'église, il n'y a plus rien. Tunaweza kusema kwamba wakati unaondoa namna kutenda na ya kuwa ya kimungu ndani ya kanisa hakuna tena kitu. Donc la maison de Dieu, ni kusema nyumba ya Mungu, c'est ni une manière d'être et de faire. Ni namna ya kuwa na kutenda. Beaucoup d'églises, makanisa mengi, ont perdu leur sens. Zimepoteza maana yao. Parce que la manière d'être et de faire divin ou divine a cessé d'exister dedans. Sababu namna ya kukua na ya kutenda ya kiungu imekosekana ndani. Alleluia. Amina. Alleluia. Amina. Notre maison, nyumba yetu, comme famille Arche, kama vile jamaa la Arche, à sa manière d'être et de faire. Inakuwa na namna yake ya kuwa na kutenda. Si vous ratez ça, na kama unaikosa, vous n'êtes pas à l'arche. Hauko hapa. Lorsque nous allons tunaenda ndani ya masomo ya uimarisho, nous devrions y sortir. Tungepasha toka humo ndani. Avec une manière. On a toujours dit que l'église, c'est un rassemblement de personnes en voie de développement, c'est vrai. Tunakuwa tukisema kila mara ya kwamba kanisa inakuwa ni mkusanyiko ya watu ambao wanatafuta kukomaa. Parce que nous sommes assis autour d'une même table. Sababu tunaketi kwenye meza moja. Avec des bien-aimés qui se sont convertis il y a 30 ans. Pamoja na wapendwa ambao wameokoka kuna miaka 13. Qui ont beaucoup appris. Ambao wamejifunza nyingi. Qui sont beaucoup transformés. Ambao wamebadilishwa sana. Mais autour de la table avec ceux qui sont convertis aussi hier. Lakini wanakaa kwenye meza pamoja na wale ambao waliokoka nao jana. Ou qui sont venus au Seigneur il y a 2 heures. Ama ambao wamekuja kwa Bwana kuna saa tu mbili. Et tous on mange le même repas. Na wote tunakula chakula moja. Mais chaque personne formant l'église ou étant membre de l'église, lakini kila mtu akiwa mwana memba wa kanisa, doit faire un travail prioritaire. Anapaswa kufanya kazi ya kwanza. Celui de s'exercer. Dans cette maison. Kama vile ndani ya nyumba hiyo. L'église évolue difficilement. Kanisa inaendelea kwa nguvu. À la mesure où kiwango ambacho chaque personne qui fait partie de l'église locale, kila mtu ambaye ni mwanamemba wa kanisa la mahali, essaie de demeurer ce qu'il est et sa manière d'être qui n'a rien à faire avec cette famille. Anapima kuwa namna yake ya kuwa ambayo haifanani na namna ya kuwa ya hiyo jamaa. Et lorsque tu quittes une autre église, na unapotoka ndani ya kanisa lingine, pour une autre, kwa ajili ya kwenda ndani ya kanisa lingine, unaitwa à t'intégrer dans cette nouvelle église. Ujingize ndani ya hiyo kanisa mpya. Où Dieu te permet d'être maintenant. Ambapo Mungu anakuruhusu uwe sasa. Afin que ili kwamba tu fasses corps. avec cette église pour le bien, je veux dire. Il ne s'agit pas de devenir corps avec du n'importe quoi. Nous devenons corps de manière christocentrique. Nous devenons corps de manière biblique. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Ndani ya Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 15. J'aimerais que tu regardes cela avec moi, on va clôturer ce point là. Ningependa uitazame pamoja nami tutamalizia hii nukta. 1 Timothée 3 15. Timotheo wa kwanza 3 15. À partir du verset 14, il est écrit: je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Timothée, je t'écris afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Ili ujue namna gani kutembea ndani ya nyumba ya Mungu. Il y a une conduite dans la maison de Dieu. Kuna namna kutembea ndani ya nyumba ya Mungu. Tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Na unapaswa kujua namna gani kutembea ndani ya nyumba ya Mungu. Cette maison de Dieu, hii nyumba ya Mungu, est l'église, ni kanisa, du Dieu vivant, ya Mungu aliye hai, la colonne et l'appui de la vérité. Nguzo na inayo support ukweli. Maintenant, l'église locale, sasa kanisa la mahali, est fixée au milieu de la société. Inakuwa miongoni mwa jamii. Dans l'église locale, ndani ya kanisa la mahali, il y a des hommes et des femmes. Kuna wanaume na wanawake. Dans l'église locale, ndani ya kanisa la mahali, il y a Dieu. Kuna Mungu. Dans le tabernacle, nous voyons la colonne de feu ou la colonne de nuée. Le tabernacle est au milieu du peuple. Dieu veut faire partie de ce peuple. Le peuple veut faire partie de Dieu. Nous voulons Dieu. Tunahitaji Mungu. Dieu nous veut. Mungu naye anatuhitaji. Et il dit, na anasema, j'habiterai avec vous. Nitakaa pamoja nanyi. J'habiterai au milieu de vous. Nitakaa katikati yenu. Nous constituerons une famille. Na tutajenga jamaa. Nous ferons famille. Tutafanya jamaa. Mais le socle de la famille, pour que la famille marche, il faut qu'il y ait une manière d'être et de faire. Lakini msingi ambao unafanya kwamba jamaa iendeke vizuri, kuna namna ya kuwa na ya kutenda. Vous savez, dans certains couples, il y a des difficultés. Unajua ndani ya nyumba fulani kuna kuwa shida. Parce que le papa définit une manière d'être de faire et la maman définit sa manière d'être de faire. Sababu baba anaonyesha namna yake ya kuwa na kutenda na mama naye anaonyesha namna yake ya kuwa na kutenda. Cette affaire de au nom de la parité ou au nom de c'est pas émancipation ou tout ce que vous connaissez. Hivi vitu vya usawa kati ya mume na mwanamke. Et qui souvent sont comme une destination de détruire le socle de la famille. Ambao inakuwa na shabaha ya kuharibu msingi wa jamaa. Et ce socle se détruit efficacement dès l'instant où chaque responsable dans la famille voudrait définir sa manière d'être et sa manière de faire. Na hii msingi na bomoka wakati kila mtu ndani ya jamaa anaanza kuwa na namna yake ya kuwa na ya kutenda ya kipekee. Et les enfants ne savent plus qui suivre. Na watoto hawajui sasa watamfuata nani. Et les domestiques. Na boy. Mfanya kazi. Eh oui, c'est ça. Les serviteurs ne savent plus qui suivre. Hajute na fuate nani? Suivre maman ou suivre papa? Ni fuate baba au mama. Et le diable profite de cette désordre là. Na shetana na quand la bassesse règne au milieu du pays, l'ennemi se promène librement dedans. Wakati upumbafu unatawala ndani ya nchi, adui anatembea kwa uhuru. Frères et sœurs, ndugu na dada, la maison, nyumba, c'est une manière d'être et de faire. Namna ya kuwa na kutenda. Aujourd'hui, nous voulons voir la quatrième manière, le quatrième sens. Leo tunatafuta kuona maana ine. De la maison. Ya nyumba. C'est quoi le quatrième sens de la maison? Ni nini maana ya ine ya nyumba? La maison, nyumba, c'est ni une volonté divine. Ni mapenzi ya Mungu. Aha. Une volonté divine. Mapenzi ya Mungu. C'est la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. Je vous ai dit. Nimewaambia. Que la maison, c'est où fait appel au sanctuaire, au Dieu du sanctuaire, au peuple du sanctuaire, aux intentions du Dieu du sanctuaire, et ainsi de suite. Nimeambia kwamba hekalu inahusu Mungu wa hekalu, watu wa Mungu wa hekalu, hekalu na ambayo anatarajia Mungu wa hekalu na kadhalika. Unaisema bien. Bwana sifiwe. Amina. C'est la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. Matthieu 6, 9 à 13, il est écrit. Matthieu 6, 9 à 13. On pose la question à Jésus, comment il faut prier? Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, Baba yetu uliye mbinguni, que ton règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne viens, que ta volonté yako soit faite yafanyike sur la terre duniani, comme kama au ciel. Mbinguni. Ta volonté, c'est de quoi il s'agit, volonté? Mapenzi inahusu nini? Tu veux quoi, Dieu? Unahitaji nini, Mungu? Ici, nous voulons aller dans le sens macro de la volonté de Dieu. Hapa tunatafuta kuingia ndani ya maana ya vous pouvez ya aller dans le sens ya mapenzi ya Mungu. Micro ou détaillé. Unaweza kuingia kindani ndani. De la volonté de Dieu. Tu as kujua mapenzi comme ya Mungu. Quelle est la volonté de Dieu par rapport où je vais habiter, dans quelle ville, je vais faire partie de quelle église, je vais aller où, je fais quoi. Ça, ce sont les volontés de Dieu détaillées. Hii kujua Mungu anataka niishi wapi, nikuwe ndani ya kanisa gani, hii inakuwa ni mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu que nous voulons aborder ici. Na mapenzi ya Mungu ambayo tunatafuta kuzungumzia. C'est la macro volonté de Dieu. Ni kuelewa kwa ujumla mapenzi ya Mungu. Que ton règne vienne. Ufalme wako uje. Que ta volonté soit faite. Mapenzi yako yafanyike. Sur la terre. Duniani. Comme la volonté de Dieu est faite au ciel. Kama vile mapenzi ya Mungu yanafanyika mbinguni. Bwana sifiwe. Amina. Établir la volonté de Dieu sur la terre comme la volonté de Dieu est établie au ciel. Kuweka mapenzi ya Mungu duniani kama vile yanawekwa mbinguni. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Vous allez observer ceci. Utachunguza hii. Dans Matthieu 26, 39. Ndani ya Mathayo 26, 39. Il est écrit. Imeandikwa. Père. Baba. S'il est possible. Ikiwezekana. Que cette coupe s'éloigne de moi. Kikombe hiki kiende mbali nami. Mais non pas ma volonté. Lakini hapana mapenzi yako. Mais la tienne. Lakini mapenzi yako. Quelle est ta volonté, Père? Mapenzi yako ni gani, Baba? Que je meure pour l'humanité. Ikufe kwa ajili ya wanadamu. Ça va produire quoi? Na italeta nini? Que l'humanité revienne à moi. Ulimwengu unirudilie mimi. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. La volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, c'est ni Dieu avec les hommes. Ni Mungu pamoja na wanadamu. Écrivez ça. Andika hii. Dieu avec les hommes. Mungu pamoja na wanadamu. Il n'y a pas de rêve plus excellent que Dieu ait que d'avoir les hommes avec lui. Hakuna hitaji kubwa ambao Mungu iko nayo. Il n'y a pas quelque chose que Dieu cherche depuis le commencement ou depuis l'univers, l'humanité, que d'avoir les hommes avec lui. Hakuna kitu ambacho Mungu anatafuta sana. Je veux les hommes mwanzo kama kuwa na wanadamu pamoja naye. Nahitaji wanadamu. Si tu bousculles Dieu en dormant, comme on a mtingiza Mungu tu dis, oh Dieu, na oh, tu cherches quoi? Il m'a dit, je veux les hommes. Anasema ninahitaji wanadamu. Je veux les hommes. Nahitaji wanadamu. Regardons cela de manière diachronique dans la Bible. Tutazame hii njisi naendelea ndani ya Biblia. À partir de Genèse. Kuanzia ndani ya kitabu cha Mwanzo. Chapitre 1 verset 26 à 28. Sura 1 mstari wa 26 hadi 28. Tazama hiyo. Bwana asifiwe. Amina. Est-ce que vous êtes toujours là? Je mungali hapo. 26. Puis Dieu dit, na kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Wetu, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il le créa. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne, etc., etc. Na Mungu akasema tazama. Depuis le commencement, tangu mwanzo, Dieu veut les hommes. Mungu anahitaji je vous wanadamu. Ai dit, nimewambia. Dieu, au commencement, nous a aimés dans le tableau A. Naambia kwamba dans Mungu, le plan A. Mwanzoni alitupenda ndani ya mpango wa kwanza. Ce plan A, mpango huo wa kwanza, c'est l'amour de Dieu, ni upendo wa Mungu, sans péché, bila zambi, sans l'environnement du péché. Bila mazingara ya zambi. Le plan B, lakini mpango c'est l'amour de Dieu, ni upendo wa pour Mungu, résoudre les problèmes du péché. Kwa ajili ya kutatua shida ya zambi. Et dès le commencement, na tangu mwanzo, Dieu nous a aimés, Mungu alitupenda, parce qu'il nous voulait. Sababu alikuwa anatuhitaji. Au commencement, l'amour de Dieu ne consistait pas à vouloir nous sauver de quelque chose. Hakukua il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Unahitaji nini, Bwana? En d'autres termes, quelle est ta volonté, Seigneur? Mapenzi yako ni gani, Bwana? Quelle est ta volonté, Seigneur? Mapenzi yako ni gani, ma volonté, mapenzi yangu, c'est de créer un homme avec qui je veux être. Ambaye nitakuwa pamoja naye. Et comment tu vas faire? Je vais créer l'univers qui va servir l'homme et à la fin, je vais déposer l'homme là-dedans. Mais je vais faire quelque chose de particulier. Je vais créer cet homme à mon image, selon ma ressemblance, pour rendre possible la maison, nyumba, la famille, jamaa, de Dieu, ya Mungu. Je veux une famille. Nahitaji jamaa. Je veux construire une famille. Nahitaji nitengeneze, nijenge jamaa. Et cette famille, na jamaa hilo, sera à mon image, itakuwa kwa mfano wangu, à ma ressemblance. Itanifanana. Je vais même donner à cette famille, nitapatia hata jamaa hiyo, une de mes capacités, mmoja wapo ya uwezo, la reproduction, ya kuzaa, la procréation, ama kuumba. Remplissez la terre, jazeni dunia, et la sujettissez. Na muitiishe. Ça c'est au commencement. Hapa ni mwanzoni. Quand vous avancez mnaposonga dans le plan B, ndani ya mpango wa pili, de l'amour de Dieu, ya upendo wa Mungu, vous trouvez ceci dans Matthieu 1, 23. Unakuta hii ndani ya kitabu cha Mathayo 1, 23. Alléluia. Amen. C'est un texte très courant que vous connaissez. Niandiko ambalo linajulikana sana mnalolijua. Voici. Tazama. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Maana yake Mungu pamoja nasi. Dieu avec les hommes. Mungu pamoja na wanadamu. Au commencement, Dieu avec les hommes. Mwanzoni Mungu pamoja na wanadamu. Au commencement, Dieu, l'homme à l'image de Dieu. Mwanzoni mwanadamu kwa mfano wa Mungu. Au milieu, katikati, Emmanuel. Emmanuel. Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Et à la fin, na kwa mwisho, Apocalypse 21:3 que nous avons cité plusieurs fois. Ndani ya kitabu cha Ufunuo 21:3 ambao tumeitaja mara nyingi. Il y a le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mungu mpya na dunia mpya. Et Dieu dit, na Mungu anasema, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Tazama hekalu la Mungu pamoja na wanadamu. Dieu avec les hommes. Mungu pamoja c'est-à-dire na wanadamu. Quand tout va être chambardé sur la terre, nikusema wakati mambo yote yataharibika quand duniani, cette affaire pourrie va passer, wakati ambapo ikitu cha kuoza Dieu kitapita, va confectionner une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mungu atatengeneza dunia mpya ambamo ndani mwake. On retrouve quoi encore? Tunakuta nini tena? Dieu avec les hommes. Mungu pamoja na wanadamu. Donc on retrouve Emmanuel. Ni kusema tunakuta Emmanueli. On retrouve créons l'homme à notre image. Tunakuta tena tumumbe mtu. Quelle est la volonté de Dieu? Mapenzi ya Mungu ni gani? Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Quelle est la volonté du diable? Mapenzi ya shetani ni gani? Casser cette affaire de Dieu avec les hommes. Kuvunja hii kitu ya Mungu pamoja na wanadamu. Lorsque le diable te crée des ennuis, wakati shetani anakuletea vita, il veut tout simplement t'amener à blasphémer Dieu, à casser cette affaire de Dieu avec toi. Anahitaji kupeleka mtukane Mungu na avunje hii. Lorsque le diable te séduit, wakati shetani anakudanganya, et te propose des choses malsaines, mambo mabaya, il ne cherche pas autre chose. Atafute kitu kingine. Il cherche simplement, anatafuta tu, à casser cette liaison, avunje entre toi et Dieu. Muungano kati ya wewe na Mungu. Quand Jésus vient sur la terre, wakati Yesu il vient chercher une chose, anakuja tafuta kitu kimoja, renouer, recolmater, recollectionner cette relation de famille Dieu avec les hommes. Kutengeneza upya ama kupatanisha upya hii kitu ya jamaa kati ya Mungu na wanadamu. Il n'y a pas de vie, hakuna uzima, véritable et excellente, ya kweli na iliyo bora, loin de cette affaire de Dieu avec l'homme. Mbali na hii kitu ya Mungu pamoja na wanadamu. Lorsque les riches avec Lazare compris les choses, wakati tajiri pamoja na Lazaro, et qui se retrouvait dans la Gehenne, na alikuwa ndani ya Gehenna, il cria à Abraham. Akamlilia Abraham. Il dit Abraham. Akasema Abraham. Envoie quelqu'un sur la terre. Umtume mtu duniani. Pour dire à mes frères, iliambie ndugu zangu, là où je me trouve, c'est terrible. Ya kwamba mahali ambapo niko ni hatari. Parce que d'abord, tu n'es même pas en mesure de m'envoyer une goutte d'eau. Hauna hata uwezo wa kunitumia hata toni ya maji. Même pas la possibilité. Hauna hata uwezo de me sortir d'ici. Ya kuniondoa huku. Alors, sasa, ce qui reste à sauver, ile ambayo inabaki kuokoa, ce sont mes frères qui sont là en bas. Ni ndugu zangu ambao wako kule duniani. Qu'est-ce que tu rates, monsieur le riche? Unakosa nini, ewe ndugu tajiri? Je me rends compte, nagundua ya kwamba, que c'est fini pour moi. Ya kwamba mambo imekwisha kwa ajili yangu. Éloigné de Dieu. Nimekuwa mbali na Mungu. C'est fini. Imeisha. Et pour l'éternité. Na c'est kwa fini. Umilele, imekwisha. C'est fini. Imekwisha. Ce soir, tu as encore de la chance. Parce que tu respires. Même sous masque, heureusement, tu respires. Tu peux encore décider. Si demain,